Perte et gain, histoire d'un converti, par le révérend Père Newman. Note A. Les universités et les collèges d'Angleterre sont des institutions tout à fait distinctes. Nécessité donc de se dépouiller tout d'abord de l'idée que réveille naturellement chez nous l'université telle que nous l'avons en France. L'origine des universités anglaises est de date fort reculée. Elles furent dans le principe instituées pour l'enseignement de tous, sans distinction de classe. L'origine des collèges est bien différente. Ces établissements sont dus à des fondateurs qui les ont dotés de propriétés foncières, dont la possession et la transmission se font en vertu de chartes de corporation, données à ces établissements. Mais les fondateurs les ont institués avec une destination déterminée, ou abandonnés au choix de celui qui était appelé à les diriger. Dans ces collèges, les étudiants se préparaient à recevoir plus tard le haut enseignement des universités, mais on vit ces derniers établissements être à peu près abandonnés, et les collèges recevoir presque exclusivement le soin d'instruire la jeunesse. Sous Henri VIII, il fut décidé que pour être admis dans les universités, il fallait avoir d'abord été reçu dans l'un des collèges établis près d'elles. Or, les collèges étant des institutions privées, où une certaine classe, un certain nombre de personnes pouvaient seules être admises, les universités elles-mêmes, d'institutions publiques, devinrent des institutions privilégiées. On vit plus tard, sous la reine Élisabeth, le grand sénéchal de l'université d'Oxford décréter qu'il faudrait, pour être admis dans les collèges, jurer les 39 articles qui constituent les dogmes du culte anglican. Le bienfait de l'instruction était déjà devenu le privilège des nobles et des riches, il devint alors celui d'une secte, et cet état de choses s'est continué jusqu'à nos jours. Les universités ont conservé leurs professeurs titulaires qui jouissent d'énormes revenus, mais ces messieurs, laissant au collège le soin de faire le cours, possèdent à peu près des sinécures. Ce sont aujourd'hui les collèges qui enseignent, les universités constatent seulement la science, en faisant subir les examens et conférant les différents grades. Ces établissements sont tout à fait indépendants du gouvernement, qui n'exerce pas même sur eux un droit de surveillance. L'Université de Londres, fondée il y a peu d'années, est établie sur des bases plus libérales. Elle diffère de celle d'Oxford et de Cambridge, en ce qu'elle n'est pas exclusivement anglicane, elle est ouverte à toutes les croyances. L'université fondée à Dublin par Élisabeth, quoique basée sur les principes protestants des universités d'Oxford et de Cambridge, est cependant moins intolérante que celle-ci, car elle admet les étudiants catholiques aussi bien que les dissidents à venir recevoir l'instruction chez elle. Mais on s'imagine aisément avec quelle répugnance des parents catholiques, en Irlande surtout, se décident à confier l'éducation de leurs enfants à des maîtres anglicans. Les catholiques peuvent non seulement y recevoir l'instruction, mais ils sont autorisés à habiter l'université et à y prendre des grades. Toutefois, ils ne peuvent devenir ni fellow ni scholar. À Cambridge, les catholiques peuvent habiter les collèges et suivre les cours, mais on ne leur donne pas de grade. À Oxford, l'intolérance est absolue, les catholiques ne peuvent ni y être instruits, ni y habiter. Voilà les trois systèmes aujourd'hui en vigueur dans les universités anglaises. Il serait difficile de donner une explication satisfaisante et raisonnable de ces différences. On ne comprend pas que la présence des catholiques romains puisse être dangereuse à Oxford, tandis qu'elle ne l'est pas à Cambridge. Et comment on leur donne plus de liberté à Dublin qu'en Angleterre, lorsque, vu leur nombre et leur influence en Irlande, on devrait se méfier d'eux bien davantage qu'à Cambridge ou à Oxford. Confère. du mouvement religieux en Angleterre, par J. Gondon. Nota bene, depuis que M. Jules Gondon écrit ces lignes, de grands faits se sont accomplis, ils méritent d'être indiqués. Premièrement, après bien des efforts, dignes de succès, l'Irlande a enfin son université catholique, à Dublin même. L'inauguration de cet établissement a eu lieu au mois de novembre de l'année 1854. C'est grâce à l'énergie des évêques du pays et à la générosité des braves Irlandais que cette magnifique institution a pu être refondée. Jusqu'à présent, toutefois, l'université n'est pas complète, puisqu'elle n'a que 3 pédagogies, mais encore un peu de temps, elle embrassera toutes les branches des sciences humaines. Dans la création d'une université catholique en Irlande, nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître la main divine, mais où le fait providentiel nous frappe surtout, c'est dans le choix de la personne à qui a été confiée une œuvre si colossale, qui, en effet, mieux que le révérend père Newman, pouvait connaître les besoins si étendus d'une institution semblable qui, mieux que lui, pouvait donner la vie à cet immense corps après l'avoir créé. Quel autre eût possédé, au même degré, cet ascendant du génie et de la vertu qui inspire la confiance, attire le talent, féconde les œuvres, leur assure le succès, la gloire, une stabilité pour des siècles. Que d'événements, enfin, n'ont pas dû s'accomplir, pour que le savant et pieux ex-Félodoriel devint le premier recteur d'une université catholique en Irlande. À l'époque de la conversion de son illustre ami, le docteur Pusey écrivit sa ligne dans une lettre devenue célèbre. Il y avait là, dans le docteur Newman, un homme destiné à être un grand instrument de Dieu, propre par toutes ses qualités à réaliser de grandes choses. Il nous a quittés sans se douter de sa valeur. Il me semble qu'il a été transplanté dans une autre partie du vignoble où toute l'énergie de son puissant esprit pourrait être employée, tandis qu'elle ne l'était pas chez nous. C'est maintenant surtout que ces belles paroles se réalisent, qu'on nous permet de le dire, en passant, après tout ce qui a eu lieu depuis 10 ans en Angleterre, la conduite du docteur Pusey reste une énigme mystérieuse. Ses anciens amis eux-mêmes ne savent comment expliquer la position que garde le savant professeur. Puisse-t-il, enfin, voir la lumière? Quel est l'avenir réservé à l'université catholique de Dublin? Le révérend père Newman va lui-même répondre. Je vous félicite, messieurs, de la noble entreprise que vous avez si heureusement commencée. Pour moi, qui ne l'ai connue qu'après son autorisation par le Saint-Siège, je n'ai jamais, un seul instant, douté de son succès, parce qu'elle nous vient de Rome. Je ne vivrai peut-être pas assez pour être témoin de ses résultats, mais cet avenir n'altère en rien ma confiance, car je sais que dans une œuvre aussi importante que la vôtre, l'exécution est laborieuse, et que plus les bienfaits sont grands, plus grandes sont les difficultés. Confère discours d'inauguration, 14 novembre 1854. Les espérances du révérend père Newman paraissent devoir se réaliser plus vite qu'on ne l'avait pensé. La première année scolaire, qui vient de finir, a eu un succès qu'on n'osait pas attendre. Outre les Irlandais, l'université catholique a vu dans son sein des Anglais, des Écossais et des Français. Toutes les classes de la société y ont été représentées, depuis la pairie jusqu'aux humbles scolaires. Nous faisons les vœux les plus ardents pour que cette grande œuvre atteigne le but que se sont proposés les bons évêques d'Irlande dans la créant. Nous lui souhaitons les succès de la nouvelle université de Louvain, qui continue avec tant d'éclat la gloire de sa devancière. Quand le clergé, en France, aura-t-il son université catholique? Deuxièmement, Le Parlement abolit, cette année, 1855, les serments qui fermaient aux catholiques les portes de l'université d'Oxford. À la première vue, cet acte semble consacrer une grande liberté de plus, mais, qu'on ne s'y trompe pas, dans le fait, l'accès de l'alma mater sera interdit comme auparavant à tout vrai catholique. Car l'acte du Parlement ne changera rien à l'enseignement, aux pratiques et aux usages traditionnels des collèges académiques, l'atmosphère restera la même, elle sera anglicane. On peut juger de ce qui aura lieu à Oxford par ce qui se passe à Cambridge. Ici, en effet, tous les jeunes catholiques qui désirent suivre les cours de l'université sont absolument soumis au même règlement que les protestants, ils doivent assister aux mêmes exercices religieux, entendre prêcher constamment une doctrine hérétique, faire depuis le matin jusqu'au soir des actes contraires à leurs croyances. Quel est, après cela, le catholique, digne de ce nom, qui oserait envoyer son fils à l'université d'Oxford? Recevoir l'enseignement, à de pareilles conditions, n'est-ce pas apostasier? Au reste, bien des personnes ont une fausse idée des écoles mixtes du Royaume-Uni. On croit généralement que parce qu'une école ouvre ses portes à tout le monde sans exception, l'enseignement religieux qui y est donné est tel qu'il puisse s'accommoder à toutes les croyances, cela est une erreur. Pratiquement, chaque école a ses principes religieux qu'elle tâche d'inculquer à son auditoire. Si l'école mixte est créée par l'État, elle est tout à fait anglicane. Si elle appartient aux Wesleyans, elle enseigne le méthodisme. Si elle doit sa fondation aux Anabaptistes, elle prêche les doctrines des Anabaptistes, et ainsi de toutes les autres. C'est ne pas connaître l'esprit des sectaires, c'est surtout ne pas connaître le caractère anglais, que de supposer qu'il puisse en être autrement. L'Université de Londres, créée seulement depuis quelques années, semble faire exception, là, l'enseignement religieux est purement négatif. Mais pour bien apprécier cet état de choses, il faut tenir compte de deux observations qui diminuent infiniment l'importance que quelques hommes, à un point de vue très dangereux, voudraient attribuer à l'existence de cette université. La première de ces observations est relative aux collèges annexés. Ces collèges, en effet, ont le droit d'élever chez eux les jeunes gens qui vont plus tard se présenter à Londres pour prendre leur grade. Ils peuvent donc donner l'enseignement religieux qui leur convient, sans que l'université ait rien à y voir. Le magnifique collège catholique d'Oscott est dans ce cas. La seconde observation est relative à l'université de Londres elle-même. L'enseignement religieux de cette université est purement négatif, c'est vrai, mais c'est aussi un fait de notoriété publique, que les protestants, qui ont une croyance définie, ne permettent pas à leurs enfants d'aller suivre des cours dont les professeurs peuvent impunément enseigner des doctrines antichrétiennes. Ces cours ne sont fréquentés que par des jeunes gens dont les parents vivent dans une complète indifférence en matière de religion. Charles prit la main du père Louis et la baisa. S'étant jeté à genoux, il reçut la bénédiction du jeune prêtre. Puis le bon père disparut par la porte de la sacristie, et le nouveau converti rentra dans sa cellule temporaire, si heureux dans le présent qu'il ne songeait ni au passé ni à l'avenir. Markendanarchive.org, 2023 d'après Gallica BNF.fr, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.